nous si en pirogue. Avec un nous qui voyage toute l'année là non-stop, baby. Moi que ça mène aux différents côtés. Moi que ça fait au délire si vous voulez nous qui peut rêver, baby. Même si nous pas bien, nous pas qu'à décider nous. C'est le bit à nous, ça fait ces gains qui déchirent nous. On joue ça belle, on demain matin ça dépasse. Téléphone à moi, t'es ni trop numéro, mamzelle belle. J'en dis moi là, c'est pas senti, hey. Tant qu'à passer, y'a rien pas qu'à changer, baby. Mais où t'es qu'à dire que vous et moi, c'est pour la vie, oui. Baby.